J'attends que la vie trace son chemin. J'attends que nos regards se croisent. Que tes doigts viennent effleurer ma peau. Mais au bout du compte, nous passons notre vie à attendre quelque chose ou quelqu'un. Je sais, j'entends que tu attends aussi. Que le soleil se couche, que la lune t'emporte dans ses chimères, dans tes rêves. Tu attends que la terre change de couleur, que tes jours soient meilleurs, que tes jours soient meilleurs. Mais au bout du compte, nous passons notre vie à attendre quelque chose ou quelqu'un. J'attends comme toi. Que nos chemins se rejoignent. J'attends que ça se passe. J'attends que ça se passe. Ici ou ailleurs. Mais au bout du compte, nous passons notre vie à attendre quelque chose ou quelqu'un.